faute. Et quand j'ai dans ma langue chat, je vois les autres. Tout près au sous, je dis moi, c'est pas ma faute. Si j'entends